fè sa k fè mwen pa wè ou. Bon bon fè sa k fè mwen pa wè ou. Bon bon fè sa k fè mwen pa wè ou. Bon bon fè sa k fè mwen pa wè ou. Bon bon fè sa k fè mwen pa wè ou. Mon confesse, ça fait pas de well. Aïe, mon confesse, ça fait moins pas well. Mal m'a débougou, yo dis-moi que la vie est belle. Aïe, mon confesse, ça fait moins pas well. A la traque à bouche, un garçon calme, qui a confondu la vie, mais pour ta belle.